J'fais semblant mais j'sais que tu mens. Je l'ai vu dans tes yeux depuis longtemps. À vrai dire j'suis déçu de moi-même. J'ai plus la force pour être déçu des gens. J'fais semblant mais j'sais que tu mens. Je l'ai vu dans tes yeux depuis longtemps. À vrai dire j'suis déçu de moi-même. J'ai plus la force pour être déçu des gens. Oh, j'suis là mais j'viendrai pas au rendez-vous. Tant que maman vit, j'ai pas besoin de vous. RRB, la Courneuve ou Bervilliers, j'démarre, j'ai des gars qu'on vit fleurir mes rougisses avant Châtel et Halle. Bébé, j'ai mis le Kevlar, mais j'sais que c'est Dieu qui arrête les balles. J'n'ai que l'affaire sans la pétale, j'cherche le cœur qu'on m'appéta. Batterie faible, bébé, j'passerai pas l'hiver. J'me suis habillé pour aller nulle part. Donne-moi la caisse pour que je j'm'invite dans le cash. L'adresse pour que j'arrive en retard. On stresse comme un trafiquant d'armes. Hey, hey. Mes souvenirs sont indécodables. Mon cœur est comme l'Arizona. Mes pensées sont pas raisonnables. J'fais semblant mais j'sais que tu m'as. Je l'ai vu dans tes yeux depuis longtemps. À vrai dire j'suis déçu de moi-même. J'ai plus la force pour être déçu des gens. J'fais semblant mais j'sais que tu mens. Je l'ai vu dans tes yeux depuis longtemps. À vrai dire j'suis déçu de moi-même. J'ai plus la force pour être déçu des gens. On fait l'amour avec des armes. On fait la guerre avec des larmes. On se dit tout sans penser à nous. On se dit tout sans parler d'amour. On se dit tout sans parler de nous. Ça fait longtemps que je tiens plus de nous. Ça fait longtemps que je tiens plus debout. Ça fait longtemps que je tiens plus le coup. J'en veux pas aux gens qui racontent des mensonges sur moi. J'en veux aux gens qui croient les mensonges qu'on raconte sur moi. Du solitaire, l'humanité nous déteste. Si t'es comme moi, comme ça, non. J'ai mes raisons à moi. La la la la la la la. Mais moi aussi. J'ai mes raisons à moi. La la la la la la la. J'fais semblant mais j'sais que tu mens. Je l'ai vu dans tes yeux depuis longtemps. À vrai dire j'suis déçu de moi-même. J'ai plus la force pour être déçu des gens. J'fais semblant mais j'sais que tu mens. Je l'ai vu dans tes yeux depuis longtemps. À vrai dire j'suis déçu de moi-même. J'ai plus la force pour être déçu des gens. Oh, j'suis là mais j'viendrai pas au rendez-vous. Maman vie, j'ai pas besoin de vous.